surveille ton poteau, car des fois il parle sur toi. Surveille ton poteau, car des fois il parle sur toi. Je suis pas là là, qu'on se rappe à la vodka. Je torse nu, je mets droit le Yamaha. Je passe à l'épice et j'appelle Zed la Baïda. Bonjour moi Marseille, moi je t'attends, je suis pas loin de là. Je suis avec Lucas, au vieux port y'a de la Renja. Je la cala pas, elle ressemble trop à Chewbacca. J'ai pas Wehda, la Zina, tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi? Mais dis-moi, tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi? Mais dis-moi, tu me parles de quoi? Il me parle de quoi? Lui dis-moi, il me parle de quoi? Tu me parles de quoi? Hein, dis-moi, tu me parles de quoi?